égoïne de large, car tu es révisionniste, et moi je suis connu. Oh Tony Fomblard, je ne veux plus être ton ami. Oh Tony Fomblard, car je n'en peux plus des pattes et que tu te mettes nu. Nous ne jouerons plus ensemble, nous ne mangerons plus de sardines, car nous sommes trop différents et cordialement. Tony Fomblard, oui, égoïne. Louis égoïne de large, même si tu nies l'Holocauste. Louis égoïne de large, souviens-toi de Jean-Louis Coste et toutes ces soirées scatophiles. Oh, oh, oh, oh, oh. Oh Tony Fomblard, tu es pénible mais en bref. Je n'oublie pas Paul Naref. Tous nos bateaux, tous nos oiseaux ont fait caca dans le Nil. Et bien sûr. Rendez-nous notre stylo. Face au caca, nous sommes tous égaux. Réconcilions-nous de manière égalitaire. Vive le pain, le vin et la bière. Et alléluia. Ayons tous cinq dents et mangeons des sardines. Tony Fomblard, Louis égoïne.